C'est Poudre. Ton char. 89-1-1. Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki. Maxime Lemieux-Lormé vient nous faire des suggestions de musique à télécharger. On vide la question de la virilité dans une capsule classique de Vidon dans la question. Il y a aussi une capsule CNX. C'est Assemblage Ruki et c'est maintenant. C'est beau? Tu me dis que tu me dis que je suis beau, c'est ça? Je suis beau? C'est très beau. C'est beau! Très beau. Eh hey, bienvenue à l'assemblage Ruki, à la maison, dans la voiture où vous soyez. Je m'appelle Mathieu Plante. Hey, moi c'est Kiwan. Le plan d'aujourd'hui, comme on l'a dit, est très très chargé, comme pas mal tous les jours. On va recevoir Maxime Lemieux-Lormé qui va nous faire découvrir de la musique dans son bloc. Télécharge quoi? Oui, il va nous parler de Think About Life, aussi de Little Girls et une surprise. Il va nous parler de petite fille? Déjà, c'est... Bah, oui, c'est ça, mais une surprise aussi. On sait pas ce que c'est. Il donne des bonbons à des petites filles, je pense. Peut-être. Peut-être ça qu'il fait son coming out en tant que pervers. Oh, il est même pas là pour se défendre. Je suis là pour ouais, c'est sûr. Ça, c'est un peu cheap, je trouve. Cheap shot, Kuba. On va aussi vider la question de la virilité, oui, dans une capsule classique de Vidon Ladon qu'on est allé chercher dans le fond d'une boîte, dans un garde-robe, en quelque part. On a fouillé, on a défossilisé une vieille capsule de Vidon Ladon. Et moi, Mathieu Plante, je vais vulgariser les automates dans ma chronique technologique CNX. On commence une nouvelle section dans le bloc CNX. Tu sais que c'est une roulette chanceuse, CNX, hein? Donc, ouais, il y a des thèmes. Il pourrait quasiment y avoir un petit... Point. Là, aujourd'hui, c'est vous, la technologie et vous. OK, donc c'est nouveau aujourd'hui. C'est nouveau. Ça, c'est dans une vingtaine de minutes environ. Mais, tout de suite, on va aller en musique. De l'électronique, c'est un petit peu un bloc à la dernière janvier, à la dîner de con. Pour ceux qui suivent l'émission du midi dîner de con, c'est très, des fois, électronique, lounge, relax, mais en même temps, tellement satisfaisant. On va avoir un petit bloc avec du Gold Frap et du Air qui va débuter ça. Donc, on commence avec B.A.B. de Air. C'est leur nouvel album, Love 2. À buzz. À Assemblage Ruki. Assemblage Requis et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Frap avec la pièce Caravan Girl. Oui, c'est précédé de Air avec B, B dans Assemblage Requis. C'est un petit bloc électro, un petit bloc à la dîner de con, parce qu'aujourd'hui, là, c'est la journée de l'entraide, je pense. Assez fou. Parce qu'il y avait Marc Perrière qui était à l'émission de Danny ce midi. Ils ont collaboré, c'est le fun. Moi, ce soir, je me suis dit, on va prendre la musique de Danny Janvier. Fait que là, tout le monde s'entraide, tout le monde parle la main, c'est tellement cute. Ça, vu que personne voulait venir collaborer avec nous, c'est bon, on va juste passer la musique qu'il aime, là, comme ça, c'est ça va faire un peu entraide. Nous, on ramasse de l'argent comme l'UNICEF avec des petites boîtes de carton dans le cou. Ouais. On entraide pas juste. C'est fou. On entraide tout le monde. Plus tard dans l'émission, on va recevoir Maxime Lemieux-Naramé. Soyez avec nous parce qu'il va nous faire découvrir des nouveautés musicales. Plus près de nous, par contre, il va y avoir la chronique technologique CNX juste après le prochain bloc musical. Et aujourd'hui, on débute une nouvelle chronique dans CNX. C'est vous, la technologie et vous. On va parler un petit peu de robotique avec la définition du mot automate.

face. The vapors all up in the place. Guess I'm alive today, at least while I've been late. It's the baseline in your mind. It's a sexy way to cry. You know I had my share of doubt until I saw the vapors in your eyes. Chouette, ma vie. Mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes mollets moulés amènent le nylon et tes yeux de chansons tristes en si triste. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Mais si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte, jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Oh ma chérie, tu es un hit. Mon cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Chinatown, et tu es un hit! C'est une nouveauté qui va se retrouver demain dans l'édition des Palmarès. Si vous voulez écouter les Palmarès au complet, c'est donc tous les vendredis de 17 à 20h, animé par toi, Mathieu Plante. Ah, merci beaucoup, c'est trop. Le bloc au complet était composé de nouvelles entrées. Donc avant ça, il y avait Islands and Vapors. Et au début du bloc, c'était Hôtel Morphée avec Danse sur les toits. Donc, c'est pas trois de parmi les nouveautés. Il va en avoir d'autres, je pense, à nouvelles entrées. Il y en a une douzaine. Une douzaine. C'est pas vrai du tout. Il y en a comme, je pense, six. Il y en a beaucoup, okay. beaucoup de cette semaine. Et écoute ça demain. Je vais donner un petit avant-goût de ce qu'il va y avoir aussi nouveau, tiens, pourquoi pas. Il va y avoir les nouvelles pièces des Mimi Van Der Glo. Encore une fois, ils sont toujours là. Il va y avoir du nouveau Bernard Adamus, du History of et du Tommy T qui fait du reggae funk. C'est un ancien des Gogol Bordello. Oui, peut-être encore dans le groupe, mais bref. On entendra peut-être d'autres nouveautés plus tard. Une des 20 personnes qui est dans Gogol Bordello. C'est ça, c'était un des Gogols. Un des Gogols. It's one of the Gogols. Donc, écoutez ça, c'est demain à 17h. Ah, c'est fou. Évidemment. Nulle part ailleurs. Hé, hey, Mathieu, c'est le temps d'étraîner ton nouveau thème, CNX. Oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey, hey. On fait ça tout de suite. OK. www.lesbiennesdudrock.com. Dash.com. Où, vous, la technologie. Et vous. Et moi. Et toi. Et moi. Et moi. Et toi. Et nous. Eh ben. Donc, aujourd'hui, dans CNX, c'est vous, la technologie, et vous. Donc, je vous enseigne un petit quelque chose par rapport à la technologie ou la science ou les choses geek en général. C'est un petit peu la petite chronique facile où je vais sur Wikipédia et puis je cherche un peu. Donc, tu vends tes sources. Du tout. Aujourd'hui, le sujet, c'est les automates. Est-ce que tu sais ce qu'est un automate, Kiwan? Ben, on utilise des fois le mot à tort et à travers. Ouais, c'est ça, mais ça sonne industriel un peu dans ma tête, automate, là. Ça sonne aussi culinaire, je trouve. Ouais. Un peu. C'est automate. Donc, un automate, c'est un dispositif se comportant de manière automatique, c'est-à-dire sans intervention d'un humain. Ce comportement peut être figé, le système fera toujours la même chose, ou bien il peut s'adapter à son environnement. C'est pour ça que des fois, on l'utilise pour dire à quelqu'un, hey, lui, c'est un automate. Le gars, c'est une machine. En même temps, ça veut dire qu'il fait tant de même affaire. Il se répète tout le temps. C'est tout le temps redondant. C'est tout le temps pareil, tu sais. Hein? Un peu comme les expressions que je viens d'utiliser, là. C'est tout le temps pareil, tu sais. Donc, on l'utilise dans d'autres domaines que l'informatique, on l'utilise dans le domaine de la mécanique, entre autres. Mais en informatique, ou dans le domaine des graphes, on nomme automate une machine à traiter d'information qui se caractérise par différents états et par un système de transition d'état qui absorbe soit des caractères, soit des entités syntaxiques d'ordre supérieur. Ça peut être à variable, des chiffres entiers, des flottantes. Les automates peuvent se classer en différents modèles formels. Par exemple, l'automate fini, l'automate à pile, la machine de Turing. La notion d'automate a émergé des besoins de programmation relatifs à l'analyse syntaxique. Elle permettait de remplacer par des données faciles à modifier et un programme de cheminement unique, ce qui aurait demandé un programme bien plus complexe et surtout bien plus délicat à maintenir par la suite. Un principe qui a été ensuite celui des systèmes experts. Donc, la métalangue de Bacchus. La métalangue de Bacchus, d'accord, rend plus rigoureuse l'expression d'automate et facilite leur élaboration par des programmes comme l'EX et le YAC. Ça, c'est très, très technique. Elle a donné aussi lieu à plusieurs travaux théoriques qui n'ont pas toujours eu de retombées pratiques évidentes, nécessitant l'hypothèse d'une mémoire infinie, par exemple. Dans le langage courant, c'est-à-dire qu'on qualifie familièrement automate une personne qui agit mécaniquement, soit d'une manière inconsciente, comme un somnambule, soit sous l'impulsion d'une volonté extérieure. Le terme, en passant, peut aussi désigner un robot. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est le mot automate. Si la technologie vous intéresse et les définitions de mots d'un sens ou d'un autre par rapport à la technologie, allez voir le lien que j'ai posté sur assemblagerequis.com. Il y a tout plein de sujets intéressants, dont aujourd'hui, le spotlight sur l'automate. Et sinon, il y a des mots comme robotique, usinage, tournage, fraisage, productique, nanotechnologique et motorisation. En plus de l'informatique, c'est une très belle section. C'est le portail technologie sur Wikipédia francophone, wikipedia.org. Ça me tentait de vous parler d'un mot comme celui-là. C'est complexe, mais c'est un automate. C'est beau, hein? Effectivement, c'est complexe. Oui. Je pense qu'on va même se prendre un autre... Je pense, ça me tente de me garocher d'un mot intéressant en technologie. T'attends-tu un autre mot? Oui, vas-y. Allons-y avec le mot. Attention, qu'est-ce que je pourrais faire? Je veux pas que ce soit trop non plus. Allons-y avec. Oh, je cherche et je trouve peut-être. Alors, regarde bien ça. La catégorie robotique, c'est quelque chose. On va parler de la robotique en général. C'est l'ensemble des études et des techniques de conception et de mise en œuvre des robots effectuant des tâches déterminées en s'adaptant à leur environnement. Le marché de la robotique est largement dominé par le Japon, on le sait tous, en particulier grâce à l'appui de son gouvernement. Hein? Si on y va plus précisément, tiens, on va parler de la robotique modulaire. Intéressant. Le but de la robotique modulaire est d'arriver à obtenir des robots composés de plusieurs unités qui s'auto-organisent par le biais de reconfiguration dynamique matérielle, ce qu'on appelle du hardware ou logiciel, ça c'est du software, afin de coopérer à l'instar des cellules qui s'auto-assemblent. Hein, c'est de la science, pour former des tissus, des organes et finalement un corps tout entier, et de même pour qu'ils répondent à nos besoins. Aussi, la reconfiguration de ces unités permet une adaptation du robot à son environnement qui peut varier selon les tâches qu'on lui attribue. Les robots de nos jours sont créés majoritairement pour le loisir par des entreprises spécialisées, mais ne restent néanmoins accessibles qu'aux passionnés et aux personnes qui ont les moyens nécessaires à leur fabrication. Ces jouets ou objets de loisir ont un coût élevé. Les chercheurs minoritairement se servent de ces robots pour différentes recherches axées sur ce domaine. Toi, tu t'achèterais-tu un robot pour ton plaisir, là, pour ton divertissement? S'il me faisait à déjeuner. Voilà, il y a une utilité, là, dans le fond. C'est plus, et seulement plus plaisir. Ben, moi, le plaisir, je le prends ailleurs. Je faisais des robots, c'est ça, je trouve ça bizarre. Je peux me déplacer un peu. Non, je te comprends. Parce que moi, je comprends pas, tu sais, les gens qui... Tu sais, tu dis que le robot est principalement utilisé pour le divertissement. Je comprends pas trop. Peut-être pour aller se... En même temps, ça peut être utile, mais ça peut être aussi agréable. Comme si, mettons, le robot va juste à ton frigo te chercher une bière. Ouais. C'est pas utile parce que tu peux le faire toi-même, mais c'est divertissant aussi, en même temps. C'est vrai, ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il peut jouer au ping-pong avec toi aussi. Là. Si tu lui demandes gentiment, peut-être que ça, tu peux écrire un petit algorithme de branlage. De poignet. Tu vois. Ça, tu peux faire plein de choses avec ça, t'sais. Ouais. Ouais. Là, ça rejoint vraiment le divertissement, là. Ouais, ça rejoint plus de monde, mm-hmm. Ouais, parce que là, ça, c'est commun. Hein? Le ping-pong, on s'entend. Ouais. Mais ça rejoint juste 50% de la population. Il y a un maximum de 50% de la population qui peut jouer au ping-pong. Le reste peuvent pas. Exact. Ils ont pas le manche. Trop, ça, là? C'était trop loin? Non. Non, je pensais que tu développais après, non? C'est tout? OK. Développer? Non. Développer une tendinite, peut-être? Peut-être. Voilà, c'était vous. La technologie est vous. Parfait. Oui, donc ça va se retrouver lundi prochain. Dans CNX.zip, qui compresse toutes les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. C'est lundi matin à 10h. Et c'est animé par toi, ici. Mathieu, c'est fou. Cherche mon nom. Oui, ici... Assez fou. Exact. En ce moment, c'est ça. Mes pubs finissent tout par « Assez fou ». Hein? Je trouve ça chic. Hey, on retourne en musique? Oui, on va l'entendre en bloc de palmarès parce que vous savez quoi? Le palmarès, il est bon. Le palmarès, il est beau. Le palmarès, il est écrit. Donc, un peu comme la Bible, hein? C'est écrit. Hein? C'est écrit. Donc, il va y avoir du Marcy Playground, mais on commence avec les Fatal Picard. Et la pièce, c'est l'histoire d'une meuf. Vous êtes à Assemblage Requis au 89.1 FM. Cette année, tu ne sois jamais passé à la méthode Coé. Entre ton album en hommage à Barbe Livien et ta reprise d'antisocial avec Muriel Robin. Cette année, ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro, rien pour toi. Tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmarella. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te cadre bien. T'espères au moins sur le refrain, c'est toi qui tiens. Mimi Mati parle à ma vie. Cette année, c'est l'année de ta vie. T'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Oui, depuis aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté à Zenate une seringue d'Ebola. T'as offert de l'anthrax à Hélène Segarra. Et s'il faut aller jusque-là, tu partageras la loge d'Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins que sur le refrain, ou par la main. Toi tu files un vrai rancard à ceux qui comme toi ne sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens Coluche par la main. Et c'est Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Je m'en irai pas de tes cas. Oui, Vanderlo, et demain je travaille. Ça va être une nouvelle entrée du palmarès francophone. Oui, voyons donc. Francophone à partir de demain, soyez-y, vendredi soir à 17h pour les palmarès. C'est fou avec moi, Mathieu Plante. On est tous en train de vendre les punchs du palmarès, en fait. On va arrêter, je pense, bientôt. Ouais mais si ça peut donner le goût aux gens de l'écouter, tant mieux. Exactement. Crime, il faut toutes les raisons du monde pour écouter les palmarès. Vraiment, parce que. On va torturer le monde, on va péter des règles sur le bout des doigts. Pas pour l'animation, certain, là, qu'on va écouter ça. Non, j'espère que non. On écoute ça pour de la bonne musique pendant 3 heures. C'est un top 20 franco et un top 20 anglophone. Donc, Kiwan, est-ce que tu es au courant que la fille de Cœur de Pirate, Béatrice Martin, est malade? Tu viens de l'apprendre, en fait, là. Ouais. Mais elle a posté un beau petit vidéo comme ça sur Vimeo. Et je pense que ça me tente de l'écouter un petit peu pour voir ce que vous en pensez à la maison. Est-ce que Kiwan, tu l'as écouté un petit peu? Ouais, je l'ai écouté. Bon. Je sais pas pourquoi tu veux qu'on l'écoute, mais on va l'écouter. Est-ce qu'il y a quand même... T'as un grand cœur, Mathieu. Donc, on va écouter Béatrice. Tout de suite, on écoute. Hello, c'est moi. J'ai une extinction de voix vraiment majeure, apparemment. C'est vraiment de la merde. Faut que je prenne ces trucs-là, c'est pour la bronchite, parce que j'ai une autre bronchite. Ça montre vraiment tous ces médicaments. Faut que je prenne. Vous allez voir dans quelques secondes, elle va dire que c'est vrai. Ça marche vraiment pas. Puis, dans l'absolu, faut pas que je parle, mais je voulais juste vous dire. Ouais, ça pompe tout le temps. Je suis vraiment désolée pour mes concerts en ce moment. Vraiment, je le ferais pas, je ne cancellerais pas si j'avais pas un problème majeur. Ce qui est le cas en ce moment, comme vous pouvez l'entendre. Et je ne fais pas vraiment exprès. C'est vraiment vrai. J'ai jamais cancellé. Je trouve que tu es un petit peu trop sur la défensive, comme si quelqu'un l'avait vraiment accusé. Personne ne t'a accusé. On le croit que tu es malade. Je prends toutes les maladies. Ça fait 2 bronchites que je fais en 2 semaines. C'est un truc de malade. C'est ça, c'est tout. J'espère que vous allez me pardonner. C'est pas un crime que t'as fait, Béatrice. Hein? T'as pas tué personne. Là. Je vais reporter mes concerts. Les concerts que je fais, là, je les reporte en mars, de toute façon. Et j'espère que vous allez comprendre. C'est tout. Merci. C'est tout. Merci de comprendre. Ça me fait plaisir, merci. Ben oui. Mais on dirait vraiment qu'elle va pleurer quand on la regarde. Elle est sur le bord, là. Mais tu sais, c'est pas drôle, on n'est pas en train de rire. Sauf que c'est quand même bizarre. On voit vraiment qu'elle a un très grand besoin de se faire aimer. Ouais. Besoin d'approbation, comme dans c'est correct, tu fais, je comprends. Vraiment, quand on voit le vidéo, on dirait qu'elle nous supplie, là, avec ses petits yeux qui pleurent. De biche. Mais quand même, c'est ça. C'est triste, mais tu sais, je veux dire, on comprend, t'es malade, bon, ça va, là, on va te coucher. Ouais, c'est ça. Arrête de faire des vidéos sur webcam pour montrer tes médicaments. Il faut que t'arrêtes de parler. Ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Il faut pas que je parle, mais me voici en train d'une minute, 1:37 à parler du fait qu'il faut pas que je parle. En tout cas. Bref, c'est Béatrice Martin, Cœur de Pirate, qui est malade en ce moment, qui annule des spectacles. Grosse affaire. Ouais, c'est ça, c'est le message aussi, là. C'est que si vous aviez prévu aller la voir dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est reporté à printemps prochain. Voilà. Et puis ensuite, Malajub. Il y a une nouvelle bande-annonce pour le film de Trotsky avec la musique de Malajub. C'est eux qui l'ont composée. Donc on va écouter un petit peu cette bande-annonce-là de Trotsky. Principal Burkhardt, this is Leon Bronstein. Leon Bronstein, we've been waiting for you. Hi. I like to run a pretty tight ship. I respond passionately to structure, so. Good. Oh my God. What's happening, Leon? We want a union. Listen, Norma Ray, it's not gonna happen. You're cheerleading? For what? For your brother becoming psychotic? Are we gonna get in trouble for this? Probably. You and I are going to change the world. Yes! Anywho, don't be nervous. Oh, I'm not nervous. I just didn't think it would actually be you interviewing me. I'm flattered. That's not what I meant. Ouais. Je trouve que c'est pas mal la bande-annonce la plus chaotique musicalement que j'ai jamais entendue de ma vie. Là, sérieusement, l'utilisation de la musique de Malajub est très, très pas appropriée à certains endroits, je trouve, non? Ben là, ça passe, ça arrête. Je trouve ça bizarre. Ouais, c'est sûr qu'en même temps, c'est une bande-annonce. Mais d'habitude, c'est très, très subtil, le changement de musique dans une bande-annonce. Là. Ça passe comme dans... C'est plutôt le canard. Ouais, mais tu sais, c'est juste visuellement, là, ouais. Une bande-annonce, là, c'est... Ça passe beaucoup de choses. Là. Ouais, c'est rythmé, là, quand même. Là. Mais est-ce que tu sais s'il y a la musique composée exprès pour le film ou c'est seulement des pièces tirées de leurs albums? Pas certain de ça. J'ai vraiment hâte de savoir, en effet. Mais sinon, Leon Bronstein, d'accord, c'est le nom du personnage dans le film, qui est un étudiant dans une école secondaire de Montréal, donc ça se passe à Montréal. Et puis, c'est le gars est la réincarnation de Leon Trotsky, qui est un iconoclaste soviétique du 20e siècle et un héros de l'armée rouge. Et là, son père l'envoie à l'école publique comme punition. Hein? Comme punition. Quelque chose qu'il a fait. Donc, l'histoire se passe à Montréal, mais c'est un film américain, c'est ça, hein? Ouais, ben, les acteurs sont pas mal tous canadiens, en ouais, tout cas. Ouais, okay, OK, donc c'est plutôt canadien. C'est réalisé par Jacob Tierney. Est-ce que c'est un canadien? Tu sais pas, ça, je sais pas non plus. C'est une bonne question. Bonne question. Bref, il y a Jay Baruchel dans le film, donc un acteur assez connu maintenant aux États-Unis. Un gars qui est canadien puis qui est allé travailler aux États-Unis. On l'a vu, entre autres, au Canada dans Super Mechanics. SMX. Il y a l'air d'avoir quelques Québécois aussi parmi la distribution. Je regarde Jessica ça. Paré. Sarah-Jeanne Labrosse. Ah ben oui. La fille de Match. Ça sonne un peu québécois. C'est la petite fille dans Match qui joue au tennis, la petite. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Sarah-Jeanne Labrosse, ben oui. Ah. Bon. Donc voilà, ça, c'est le film de Trotsky avec la musique entre autres de Malajub à l'intérieur. Donc à surveiller. Je vois pas de date de sortie, mais bref. Non. <C'est ça. rire> Je pensais que t'as trouvé. Non, j'ai pas trouvé. De Trotsky. On se renseigne, on va checker ça. Sinon, mais on va aller écouter un petit peu de Cœur de pirate. Pourquoi pas? Parce que tu es malade, puis là, tu sais. C'est ça, à défaut d'aller le voir en spectacle. On l'écoute, on s'est dit tout de suite, on écoute comme des enfants de Cœur de pirate à Assemblage requis. Ouais, fais des toussotements pendant toute la pièce. Ah, c'est drôle. Ah, tu vois comme tout se mêle, et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant, et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement. C'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants. Le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé. Alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore. Et toi tu m'aimes un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Et ma grisaille. Malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime pas plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime pas plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime pas plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime pas plus fort. Je t'aime pas plus C'est moi qui fais ça. Petit. T'aimes ça faire des effets de voix? Oui, ma bouche est un instrument. Quand tu fais pas semblant de tousser ou que tu tousses pas pour vrai, parce que tu peux bien rire. Tu peux rire de cœur de pirate qui tousse, hein, mais les gens t'entendent pas en studio quand les micros sont fermés. Mais... Constamment, c'est insupportable. C'est vraiment le fun pour les oreilles. Hey, c'est le groupe Falls qu'on vient d'entendre avec la pièce Gold, Gold, Gold, et c'est ce qui termine la première heure de l'émission. Oui, il y en a un deuxième qui s'en vient avec la présence de Maxime Lemieux-Laramé, le meilleur des Laramés, avec nous pour parler de musique et de découverte musicale à télécharger dans son blog. Télécharge quoi? Je vais aussi avoir en musique les amis au Pakistan et puis du Orange Orange. Restez là. Et en plus, hey, vidons la question, Kiwan. Oui, c'est vrai, faut pas l'oublier aujourd'hui. Hein, Kiwan? Dis pas ça, Kiwan. Récemment, on est bon pour pas l'oublier, là, je pense. On est bon en général, je dirais, moi. Hein? Et restez là, c'est dans la deuxième heure. C'est fou, 89 ans. Le bon musique en tout temps! Assemblage Requis et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Bonjour, vous êtes dans la deuxième heure de l'émission Assemblage Requis en compagnie de Mathieu Plante et de moi, Kiwan. Coucou! Coucou. Oui. Comme un coucou! Ah! Hey! Oui, deuxième heure avec la présence de Maxime Lemieux-Laramé tout à l'heure. Il va être en studio, il va être ici. C'est comme ça arrive jamais, ça. Une fois par, je dirais, semaine. Il va nous faire une surprise aujourd'hui, hein? Oui. On ne sait pas exactement de quoi il va parler. D'habitude, il nous prévient toujours. On sait qu'il va parler de Think About Life et de Little Girls. Il va parler de M pour Montréal qui a lieu bientôt, mais il nous réserve une surprise et j'ai vraiment très hâte d'entendre ça. Peut-être des conseils pour tailler une barbe aussi bien que la sienne. Que la sienne? La sienne. Ah, peut-être. Une belle barbe. On va aller en musique en attendant qu'il arrive et qu'il nous parle de ses conseils de pilosité. De pilosité, d'accord. On va aller entendre les amis au Pakistan avec la pièce Imra Stingra. C'est un assemblage requis. Par le passé, j'ai rencontré un être très, très, très. Quel est le mémo de ton livre, ça? Quel est la mémuse de la fascicule? Répondez une question, sinon, mayonnaisez-moi pas! Mr. Huston pose nous Black Jerry Fish! Mr. Huston pose nous Black Jerry Fish! Il me reste grâce, il me reste grâce, il me rate aussi mouche! Il me reste grâce, il me reste grâce, il me rate aussi mouche! Dites-moi où vos femmes sont just enough! Confiez-nous de vos secrets! Yeah.

Prince pariétaire et la pièce Bois vert, c'est la nouvelle entrée dans le palmarès francophone cette semaine. Et juste avant ça, on a entendu avant ça, Mathieu. Qu'est-ce qu'on a entendu avant ça? Quand tu me demandes ça vite. Ah, c'était Orange Orange. Orange Orange, et Je pleure, la version album. La pièce, la version finale du nouvel album parce qu'on jouait depuis un bout de temps la version qui se retrouve sur la compilation de la Sopref. Ouais. La version de l'album est un petit peu différente, mais quand même, on la reconnaît assez facilement. Là, mais si vous avez entendu les deux versions, il y a quand même une différence audible, marqué. Disons. Audible. Marqué était un meilleur mot, je trouve, plus approprié. Mais marqué, je trouve que c'est comme trop, tu sais. La différence, c'est pas si marqué. Il faut quand même la connaître, la pièce, un peu pour eux. Mais bon. Si tu veux, Kiwan, mettons que tu as raison. On a ressorti une vieille capsule de vidéo, on adore la question des boulamites du garde-robe de C'est fou. C'est fou, un gros garde-robe, c'est un walk-in, finalement. Tu peux vraiment marcher dedans. Puis il y a beaucoup de boîtes de vidéo, on adore la question. Ben oui, c'est ça. J'invente des choses, tu dis, toi, tu me dis que je mens? Ben non, là. Pas fin. Le sujet de jour. Non, pas fin. Non, je te trace pas du tout. Envoie donc la capsule comme si tu savais le sujet d'avant. Tu je l'envoie, là, c'est ouais, ça? Ben, tu dis le sujet avant, comme on fait là. Là. Oh, oui. Maintenant, mais tu dis le sujet avant. OK. Ben, on va écouter une capsule qui parle de virilité. Bon. C'est certainement pas Mathieu Plante qui nous aurait parlé de virilité aujourd'hui. Ah, le gars, il se rase, pis tout, là. On écoute Vidon là dans la question tout de suite. Vidon là dans la question. La virilité au travail. Certaines personnes pensent qu'il y a des métiers impossibles à pratiquer sans perdre sa virilité. Vidon là dans la question fait tomber ses préjugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Être viril. Lorsqu'on est coiffeur. Coiffeur. Oh, Jacques, est-ce que tu me ferais une coupe immo, là? Tu me mettrais-tu le toupette devant un vieux? Pense que j'aime mieux te raser la tête. Tellement viril. Qu'est-ce que ça veut dire, être viril, lorsqu'on est homme de ménage? Homme de ménage. Qu'est-ce que c'est ça, ce produit-là? Vous prenez la vadole? Du vinaigre! Tu me brûles pas les yeux? Ça chauffe, mais je brûle pas! Tellement viré. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire, être viril, lorsqu'on est réceptionniste? Réceptionniste. Excusez-moi, monsieur. C'est à quel étage pour la comptabilité? Attendez, là, Lolo! Moi, je suis en train d'envoyer un courriel. Ben là, voyons, quelle heure? Parle pas même à madame. Je t'ai engagé comme réceptionniste, là. T'es disposé à avoir les compétences nécessaires pour répondre au téléphone, répondre à la madame devant toi et envoyer ton courriel en même temps. Hé! Moi, je suis un homme, puis c'est une affaire à toi, puis là, j'envoie un courriel. Ben franchement, vous avez un réceptionniste qui fait juste une affaire à toi. Si vous voulez, je vous dis. Tellement viril. La virilité au travail. Sérieusement, je vais vous laisser ensemble, vous autres. Moi, je suis pas capable. Parle dans le micro, Mathieu, je t'entends pas. Je suis pas capable. Écoute, je suis pas capable. Mais là, je pense que j'ai un problème avec ma virilité, là. On dirait que ça vient de me revenir. C'est à cause du hockey. Faites moins de bruit, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Bon. Continuez. J'aurais un aveu à vous faire. Pourrais-tu me livrer un petit témoignage sur ma virilité? J'aurais besoin d'une toune pour mon témoignage parce que... Ah. Je voudrais vous parler de ma relation avec le hockey. Ça a commencé quand j'avais 8 ans. C'est la première fois que j'ai regardé. Hey, faites moins de bruit, j'ai de la misère! Faites ça plus loin, s'il vous plaît! J'ai des émotions à dire! Arrêtez pas, là! Continuez quand même, là! Seigneur! Bon, OK. Je vais vous parler du hockey. Moi, on dit que je trouve ça viril, un joueur de hockey. La première fois que j'ai vu un match, j'ai toujours voulu être un joueur de hockey, mais j'avais pas de talent pour patiner. Fait que je suis devenu un joueur de hockey dans ma tête. J'ai commencé à vivre une autre vie. Je m'imaginais, là. J'avais déjà toute ma carrière devant moi. J'avais une coupe de saison de 60 points. J'avais des saisons que j'avais rien que joué 15 matchs parce que j'avais une blessure au poignet. Des fois, j'avais moins de points à... parce qu'on m'utilisait dans des rôles défensifs, comme à la fin de ma carrière, par exemple. Puis, cette espèce de psychose-là n'est jamais vraiment disparue. On dirait qu'il y a une partie de ma virilité qui maintenant repose sur le hockey, puis ça a des effets sur mes relations amoureuses. C'est con, là, mais quand je sens qu'il y a un problème de communication dans mon couple, j'ai comme une vision de Mike Komisarek qui gèle un joueur à sa bande. Ou d'Aaron Downey qui jette les gants. Ouf, oh, yeah, yeah. Des fois, juste au moment où j'éjacule, j'ai comme un flash de Michael Ryder qui en pote un. Des fois, quand j'augmente la cadence pendant le rythme, on dirait que je vois Plekanec en train de prendre de la vitesse en zone neutre. Puis je regarde trop de statistiques de hockey. Des fois, j'ai comme des images mentales, des points à Mike Ribeiro, 58 points, puis pouf, l'air de rien, 15, ça s'en va. Je suis pas bien avec ça. Mais ça va encore plus loin. Parce que ça influence la façon dont je fais l'amour. Quand le Canadien gagne, tout va bien. Super relax, du bon sexe, je suis heureux. Mais quand le Canadien perd, on dirait que là, j'ai des problèmes à contrôler mon éjaculation. On dirait que je veux me débarrasser du sexe. Un peu comme quand ils dropent la poque, là, pis qu'ils font juste courir après derrière les défenseurs. T'sais. On dirait que tout ça, ça me reste dans la tête, que je fais tout croche. Mais des fois, je fais l'amour, puis en même temps, je me demande comment je pourrais bien améliorer le Canadien. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir contre Samsonov? Ou j'imagine des différentes combinaisons de trio. Je suis plus capable, je pense. J'ai une crise de la virilité. Mais voyons donc, Matt, là. Non, mais c'est vrai, ça. Oui, mais absolument. Ben voyons donc. Faut que j'arrête de penser au hockey pendant que je fais l'amour, esti. Ça marche plus pas en toute mon affaire. Ben là, pense-y plus, là. Ça se fait pas de même. Tu vois, moi, je suis là, j'ai du fun avec Sandra, puis là, toi, tu me parles. Ouais, salut, Sandra. Salut. Elle est vraiment bonne, t'as manqué ça. Sac. Il est temps que je me prenne en main. T'avais vraiment des tapes ses fesses en arrière, pis t'avais Sandra, ça arrêtait plus, c'était écœurant. Luc Archambault derrière qui faisait les pis les fous à la fin. Ouais, c'était pas des bruits du studio, là. Non, c'était vraiment viril. Et c'était pas ici là, que ça se passe. Non, c'est ça, c'était pas Maxime Lemieux-Aramé, là, même si je veux dire. C'est... Parce qu'il y a vraiment pas autant de virilité ici dans le studio. Non. C'est un bon gars, là, mais on commencera pas à penser que, t'sais, Sandra... c'était une capsule de vie dont la question. Il y en a toujours une nouvelle à chaque semaine. En fait, on est dans les archives, on est dans les vieilles capsules classiques gold de Vidon-Ladon la question depuis les dernières semaines. Et on va continuer comme ça tous les jeudis après-midi. Allez voir vidonladon.com pour en savoir plus sur Vidon-Ladon la question. Kiwan. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Disons qu'il y en a plusieurs morceaux et je pense que ce serait le moment. Kiwan, qu'est-ce que tu en penses que... C'est maintenant, je pense. Ouais, on en parle depuis longtemps. Je pense qu'on peut faire ça. On pourrait accueillir Maxime Lemieux-Aramé tout de suite avec sa chronique Télécharge quoi. Je suis stressé, là, passer après Vidon-Ladon la question. Là. Le calibre, la barre est haute, là. Super haute. Est trop haute, en tout cas. Arrête-moi donc. Mais... Si tu vas foncer dedans, je suis sûr, tu vas te péter. Je trouve que c'était un sujet parfait, là, parler de virilité. Après ça, j'arrive. Oui, un homme avec une barbe comme ça. Ah, c'est ça. Kiwan, il me disait, t'as pas de barbe, t'as une barbe. Ouais, c'est ça. Tu t'assumes? Oui. OK. Des fois, il est rasé, mais le jeudi, il est rarement rasé. Ouais, rendu parce à ce jour-là. Rendu le jeudi, là... On se rase la fin de semaine, puis on se laisse aller après. Hein? Ouais. Mathieu. Maxime. Soyons sérieux. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de M pour Montréal. Ça arrive à grands pas. Ils en font-tu des événements, eux autres? Hein? Ils en font en tabarnouche. Ben oui. Fait que c'est ça, c'est... en fait, ça commence jeudi 19. C'est pas ce soir, mais dans une semaine. Et puis, beaucoup d'artistes montréalais et aussi des invités. Je sais que Fucked Up va être là, j'en ai déjà parlé, Fucked Up. Et il y a aussi You Say Party, We Say Die. Le Demont Year Parler. Two Hours Traffic. Il y a Malajub, DJ Champion. En tout cas, allez voir la programmation puisque ça s'étale sur 3 jours. Là, ça commence jeudi, il y en a vendredi et samedi. Alors, l'adresse est mpourmontréal.com. Super simple. Hey, tu parlais de Fucked Up. T'as souvent entendu parler de leur version de Do They Know It's Christmas qu'ils vont faire? Non, j'en ai pas entendu parler. Non, t'es sérieux? Je suis sérieux. Parce que tu sais qu'ils ont gagné la bourse Polaris, ouais. Là, le prix Polaris, c'est 20 000 $. Ouais. Puis ils ont utilisé cette bourse-là pour refaire une version de Do They Know It's Christmas avec plein d'artistes. Il y a vraiment plein de gens qui sont confirmés. Là. J'ai pas les noms des personnes. Mais des artistes comme canadiens. Des artistes canadiens, oui. Il me semble qu'il va y avoir Feist. Je me souviens pas qui. Je vais les nommer tantôt. Je vais aller vérifier ça, c'est cool. Puis c'est ça, dans le fond, ils ont utilisé leur bourse pour faire ça. Non, j'en avais pas entendu parler de Fucked Up. Ça va être comme une œuvre de charité. En même temps, l'argent qui va être ramassé avec cette pièce-là, ils vont la donner à une œuvre de charité. Donc, quel beau projet. Puis aussi, il y a Think About Life qui va être à M pour Montréal. En vedette. Ouais. Et M pour Montréal, Think About Life, on en fait-tu jouer? On en fait pas assez jouer, je trouve. Non, pas beaucoup, cas, non. Pas souvent. En tout cas, le dernier album, Family, est excellent. Je sais que le précédent était un peu plus difficile à écouter, selon les dires de notre ami Sébastien Dulude. C'était quand même très, très élevé, mais celui-là est plus pop. Il y a la pièce Having My Baby qui joue un peu partout, mais là j'ai décidé de faire jouer la pièce Sweet 16 qui est un peu, je trouve qu'il y a des qui est très pop, mais qui a des allures un peu hip-hop, puis de temps en temps ça fait du bien du hip-hop. Fait qu'on va aller écouter ça, Sweet 16 de Think About Life, qui vont être à M pour Montréal la fin de semaine prochaine. Dans le bloc télécharge quoi? À assemblage requis pour toi aujourd'hui. Your family kick you out of the house. Working part-time at Diners, saving money for college. At least you're passing with B's, so it's no real tragedy. In the dark room, developing photographs. I decided to kiss you, but it felt like a downer. Since you left in a hurry, didn't speak for a week. Then you finally called and said that we should meet. It's not quite what I expected from you. I never thought that you even like me. But it was just a little kiss. And I'm ready for more. We made out on the pier. And the sewage dragged me straight to my heart. At least 3 years ago, when I wore out from India, wearing Moorish clothes. You're the first thing I noticed. You're the pearl in my heart, the golden seashell in my dream. Oh, in the summer nights, dancing in the gay. Magic was brewing, we slept late every day. Think About Life Sweet 16 qui se retrouve sur l'album Family. C'est hip-hop, hein? Ouais. Pop hip-hop. C'est pas du hip-hop qui me tape les mains. Non, c'est ça. Comme bien du hip-hop. C'est tellement accrocheur, par exemple, ouais. Ça reste dans la tête, ouais. Cette pièce-là. Moi, j'aime pas tant ça, Think About Life, mais cette pièce-là, c'est impossible de pas hocher de la tête en l'écoutant. C'est du catchy pop. Vraiment. Catchy pop. Alors, cette semaine, en lisant l'exclaim de ce mois-ci, j'ai découvert Little Girls. C'est un projet solo de Josh McIntyre, un artiste de Toronto. J'ai acheté, je me suis procuré l'album. Là, si vous allez sur son MySpace, il y a des liens qui vous permettent d'acheter l'album en ligne. Mm-hmm. Et c'est excellent du début jusqu'à la fin. Faites attention de fermer les filtres de vos engins de recherche quand vous tapez Little Girls sur Google, parce que des fois, ça peut... Ouais, c'est ça. Mais le MySpace, c'est Little Little Girls. Encore pire, tu sais. Ouais, des très petites filles. Très petites. Alors moi, ça me fait penser, puis c'est drôle parce que ça me fait penser à du Joy Division, mais un peu comme qu'est-ce que K-1 disait à propos de The Strokes, tout ressemble un peu à du Joy Division, puis c'est facile de faire la comparaison. Mais écoute, c'est immanquable, surtout la pièce que j'ai choisie. Et puis pour ceux qui chialent un peu, qu'on n'entend pas la voix du chanteur de Malajube... dans leur pièce, ben vous allez chialer. Les gens qui disent ça pour vrai. Ouais, ils sont fatigués. Ils ont bien le droit de dire non, ce qu'ils veulent. Non, je comprends, mais c'est parce que c'est voulu. Puis ils disent, t'aimes pas ça, aime pas ça, c'est tout. Ouais, mais en tout cas, Little Girls, là, on entend encore moins la voix. C'est une voix vraiment obscure. Là. Ça me fait penser à la pièce Cristobal de sur l'album Labyrinthe, de Malajub sur l'album. Le plus récent album. Ouais, c'est ça, qu'on entend pratiquement pas qu'est-ce qu'il dit, mais la voix est là, puis en tout cas, écoutez, c'est sale bon. Un peu. C'est dirty un peu. Ouais. Puis l'album est sorti super récemment, c'est le 13 octobre dernier. Alors l'album Concept, on va entendre la pièce Last Call, c'est Little Girls, à télécharge quoi. C'était Little Girls avec la pièce Last Call. T'as-tu aimé ça, Mathieu? Oui. Mais c'était pas ta surprise. Ta surprise va venir tout de suite après la pause. Mais c'est quoi des surprises? Ouais, quoi? Ben, j'ai pensé à toi. Excuse-moi. Je pense à toi des fois. Ah, t'es fin, moi aussi, je pense à toi. Bon. Bon. Alors, on s'en va en pub? On va en pub, puis surprise de Mathieu tout de suite après. Yeah! Assemblage requis pour toi. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou comme un ballet. 89, 89, 89. C'est fou de la scène émergente. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 17h. Toujours à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. En passant, hein, Assemblage requis et c'est fou. Son partenaire de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Donc faites vos dons, vous avez tout plein de temps devant vous comme ça pour aller le mener. Ou sinon, le 4 décembre, c'est demain. Parfait, merci voilà. Mathieu. 4 merci, décembre, Mathieu. C'est le Téléthon, ça aura lieu à 17h le 4 décembre. On va écouter ça. On est toujours avec Maxime Lemularamy dans son bloc de suggestions musicales qui s'appelle Télécharge quoi? Oui. Là, on est rendu à la surprise. Ouais, c'est la surprise. Écoute, Mathieu, j'ai trouvé sur Pitchfork une exclusivité d'un artiste que je crois que tu aimes beaucoup. Lequel, dis-moi? Est-ce que j'ai raison de dire que tu aimes beaucoup Hot Chip? J'adore Hot Chip. Alors, il va y avoir un nouvel album qui sort au mois de février 2010. Non! Mais il y a une pièce, si vous fouillez sur le site de Pitchfork, vous allez la trouver. Ça s'appelle Take It In, puis le prochain album va s'appeler One Life Stand. C'est quoi, c'est le 8 février? Le 8 février, oui. 8 février 2010 que ça sort. C'est le 9. Le 8, c'est juste en Angleterre, puis le 9 partout dans le monde. On s'en fout de l'Angleterre. Fait que c'est ça, on va écouter une pièce de Hot Chip. Cool! Donc ça s'appelle c'est Take It In, on écoute ça tout de suite. C'est juste pour moi? Juste pour toi. C'est un cadeau de Maxime à Mathieu. Avec beaucoup d'amour. Oh, N'est pas très bon pour faker, je te dirais. Tu sais, Kiwan, il fake vraiment, il fait tout le temps réel. C'est comme un real one. C'était Take It In de Hot Chip qui va être sur un album. Il va sortir le 9 février partout dans le monde. L'album s'intitule One Life Stand. C'était ma surprise. Surprise, mais plaisir. C'est vraiment apprécié. Un plaisir. Un plaisir. Un plaisir. Toujours dans le thème de la virilité. Oui. Puis moi, je voulais juste dire comme ça, sans vouloir faire de pub, j'irai pas à M pour Montréal, je reste à Trois-Rivières, et puis on a de la grande visite à la salle J. Antonio Thompson, il y a Jean Leloup qui est de passage, et puis j'ai décidé d'aller le voir. Tu te payes un luxe? Bah, je me paye un petit luxe. J'insiste sur le mot luxe, ouais, parce que c'est cher. Hein? Ouais, c'est un peu cher, mais ouais. Je me dis, c'est rare qu'il passe ici, puis... ça fait une sortie, tu sais. Ben oui. On va sortir les enfants, puis on va aller à la salle J. Antonio Thompson. Ça va embarquer ça dans le station wagon. Puis je sais qu'aussi, il y a Carquois au Théâtre Bellecour. Ça, c'est à Baie-du-Fèvre. C'est quand même pas loin, là. C'est 30 minutes de Trois-Rivières. Ouais, parce que si on attend qu'ils viennent à Trois-Rivières, je pense qu'ils viendront jamais. Non, c'est ça. Mais ça, en tout cas, je dis peut-être des niaiseries, mais je suis pas mal sûr que Carquois sort un nouvel album. Je sais pas si t'en as entendu parler. Parce que j'ai vu des nouvelles pièces sur le site internet, le concert à emporter, la blogothèque de Vincent Moon. Alors, j'ai entendu des nouvelles pièces. Je sais qu'il enregistrait dans un certain studio à Paris. Même studio que Plants and Animals, qui sont en train de sortir, penser à sortir un deuxième opus aussi. Mm-hmm. Alors, c'est plein de nouvelles affaires là, qu'on va en discuter ultérieurement. Puis là-dessus, je vous dis bye. Ben, parfait. Ben, merci. Merci beaucoup. Prochaine. Maxime. Hein? Ça, c'est de la bonne musique, ça, Kiwan, hein? Ouais. Hein? On retrouve Maxime jeudi prochain. Oui. Pour une autre chronique Télécharge quoi. Merci beaucoup, Maxime. Maxime Lemieux, la rappelle. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, l'émission pour emporter aussi, hein? Parce que nous, tu sais, quand l'émission est terminée ou presque, comme ça, vous pouvez demander des doggy bags. On va vous les faire, c'est sûr. Hein? N'importe quoi. Bon, et on retourne en musique tout de suite. Il reste encore une quinzaine de minutes à l'émission. Donc, on va écouter la nouvelle pièce d'Alexandre Desilets qui est sur le palmarès francophone. Ça s'appelle Où vent nous mène. On écoute ça à Assemblage Requis. Assemblage Requis et ses fous 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Je serai les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre pour apaiser les tourments. Sois au bout de ta clémence, je saurais aller à ta rencontre, chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence au-delà des mots qu'on veut entendre. J'attendrai que les portes s'ouvrent, qu'ensemble on se découvre. Maladroit, on partira où La pièce s'appelle Chanson à oublier. C'est du groupe Adieu Fantôme. C'est un groupe de Victoriaville, ça, qui n'a pas joué souvent ici à C'est Fou. Non, rarement. Non, ça se peut que vous en réentendiez dans l'émission La Dernière Porte à Gauche. Ça, c'est les mardis à partir de 17h. C'est l'émission 100% francophone, Kalim Kiwan. Exactement. Mm-hmm. L'émission est déjà terminée pour aujourd'hui, Mathieu. Oui, donc on se dit adieu nous aussi. Adieu fantôme, adieu jusqu'à lundi. Mettons. Oui, c'est ça, c'est même terminé pour la semaine. Toi, tu vas être là demain. Oui, à 17h dans les Palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que s'il faut à vous offrir. C'est un top 20 francophone, un top 20 anglophone. Donc, soyez ici, c'est à 17h demain. Assemblage Rocky va être de retour lundi à partir de 15h avec, entre autres, les petites mythologies de Martin Bertrand. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission cette semaine. On remercie donc Martin Bertrand, Maxime Lemieux-Laramé. Il y a eu Émilie Gauthier, Sébastien Dulut, Simon Fitzbé, les gars de Vidéo Adore la Question. On remercie quand même François Landry qui n'est plus avec nous maintenant. On le rappelle une dernière fois. Je pense qu'on va mettre ça derrière nous. À la chronique politique de François Landry. Merci d'avoir participé à l'émission depuis le début de la session. Merci. Les Pavèches en mission vont suivre à 17h, suivi de Mathieu Leblanc-Houle et sa spirale à 18h. Puis il va y avoir Sky Funka, puis un plein d'affaires comme ça. C'est votre soirée du jeudi. Parfait. Donc, nous deux, on se retrouve lundi prochain. Oui, mais tu n'es pas là demain, donc c'est ce que je comprends. Non. Ben non. Jamais là le vendredi, toi. Bye, il faut ce qu'il faut des fois. Bye, Mathieu. Bye, Kiwan. On se laisse avec une pièce du groupe Circulatory System. La pièce s'appelle The Lovely Universe et les pains beiges s'en viennent. Bye, bye. Sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre.